Celui qui recourt à la violence se sent perdu. Nokola ndumichuri opesa kasanga ba PPO. Ya set monanga ni elibombe. Nomino elokote. Nasali yo hore, tonga ye juma papa. Yolandi no decision ya motema na yo. Oh, important. Kana yo toyo kana kabuete. Absence le kimingi na moto lingi. Tonga ye juma na goa. No matadi jieri koli. Fesa mangala. Souci et continent à la licolo et à tout refelé. Santélite Fulimenga, peut-être Américain va colouquer la nana solution. Potengana, mais ça n'a pas de la chico ferré d'ilélé. Potengana, mais ça n'a pas de la belle tangou. Wabelo, Rango, Mariam Kishou. Mama botana kitoko, evena mayonde ya manya. Bichuwa senga ariet lumembo na komi utringa na na mokilio yo. Ya zabe, yehe, zara na mote mananga. Wow, wow, wow, oh. Suku parabe shikito chante. Mama, mama. So quere isto cacauta me por cuello son voy a caer esa paz estará paz estará paz estará paz ma tempo so oui c'est con zona inverse mama no vaquinanga ricambi. Maria Mikale, Merveille Kembi, Moso Pandela, Volcan Pisse, Mareba. Passez ma couba. Jacques Maïd. Fifi Madiata, Fifi Mbale, Richard Kazan.